قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء القرآن شفاء. الإمام ابن القيم رحمه الله a dit dans son livre La maladie et le remède, le Coran est une guérison. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء. Allah, glorifié soit-il, a informé que le Coran est une guérison. فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset 44 de Sourate Fussilet, si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. وَقَالَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 82 de Sourate Al-Isra, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلُّهُ شِفَاءٌ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهُوَ شِفَاءٌ لِلْقُلُوبِ مِنْ دَاءِ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. Il dit l'imam al-Qayyim rahimahullah, il dit tout le Coran est une guérison. Comme Allah le Très-Haut a dit dans le verset précédent, d'accord, de sourate al-Isra, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. D'accord ? Donc, c'est une guérison pour les cœurs de la maladie. C'est une guérison pour les cœurs de la maladie, de l'ignorance, du doute, d'accord ? Et des équivoques. Allah le Très-Haut n'a pas fait, Allah glorifié soit-il, le Très-Haut n'a pas fait descendre du ciel une guérison plus générale, plus bénéfique, meilleure dans le fait d'enlever une maladie que, eh bien, c'est le Coran. Il n'a pas fait descendre une meilleure guérison que le Coran.